C'était il y a 50 ans, troisième temps de notre série consacrée à l'année 1967. Aujourd'hui, un film comme archive, loin du Vietnam. Ce matin, dans cette émission co-animée par Anaïs Quin, qui a préparé toute la semaine avec nous, nous approchons de près une œuvre cinématographique et documentaire qui a beaucoup compté dans l'année 1967, Loin du Vietnam, un film collectif conçu par Chris Marker et réalisé par, entre autres, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Michel Rey, Joris Ivens ou encore Alain René. Il sera commenté, ce film, par l'historien du cinéma, Laurent Verret. Il est professeur d'histoire du cinéma au département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. D'un côté, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance industrielle et militaire de tous les temps. Depuis 1965, début de l'escalade, les Américains ont déversé plus d'un million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord, c'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un pays dont les 200 millions d'habitants dépensent plus pour leur papier d'emballage que les 500 millions d'Indiens pour se nourrir, peut donner quelques moyens à son armée. Chaque matin, dans le golfe du Tonkin, les porte-avions de la 7e flotte font leur plein de bombes. 1000 tonnes par jour. C'est une guerre de riches. En face, une guerre de pauvres. Celle des 17 millions de Vietnamiens du Nord et de leurs compatriotes du Sud qui se battent pour l'indépendance. Ce sont les plus pauvres, mais pas les plus faibles. Ce sont les moins nombreux, mais pas les plus seuls. Car si la pratique quotidienne de la guerre place le Vietnam dans une solitude que le Che Guevara compare à celle des gladiateurs au milieu du stade, une grande partie du tiers-monde a compris qu'elle était solidaire du Vietnam. Et que c'est au Vietnam que se pose la question fondamentale de notre temps. Le droit des pauvres à créer pour avancer des sociétés basées sur autre chose que sur l'intérêt des riches. À Cuba, Fidel Castro a proclamé 1967 année du Vietnam. Il sait de quoi il parle. C'est parce que les États-Unis ont échoué à briser la révolution cubaine par la force en 1961 à la baie des Cochons qu'ils ont décidé de ne plus laisser nulle part se développer victorieusement un mouvement révolutionnaire. D'où Saint-Domingue, la lutte anti-guérilla en Amérique latine et l'effort de guerre démesuré au Vietnam. L'Amérique veut démontrer au monde que la lutte révolutionnaire est sans issue. Elle a choisi le Vietnam pour en faire la preuve. Elle a peut-être mal choisi. Voilà, donc c'est un des textes d'introduction de ce film Loin du Vietnam qui sera au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Avec vous, Laurent Verret, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Anaïs Quin, bonjour. Bonjour. Comment vous le décririez, ce film Loin du Vietnam, Anaïs Quin ? Alors justement, c'est un film qui est un petit peu compliqué à décrire. On pourrait le qualifier de film à sketch, de ces films à sketch qu'on voyait assez souvent dans les années 60, puisque donc ce collectif de réalisateurs accompagné de près de 200 personnes bénévoles, je crois, hein, Laurent Verret. Tout à fait, oui. Tous ont proposé un film court ou des images ou une participation, parfois des dessins, des photographies. Et ce film a été conçu de manière tout à fait collective. D'ailleurs, certains passages n'ont pas été utilisés. Là, dans cet extrait, on entendait justement cette mise en parallèle de violence de pauvres contre violence de riches. Je crois, Laurent Verret, que c'est une idée d'Agnès Varda qui a été formulée lors d'une des réunions de préparation du film, alors que ce qu'avait proposé Agnès Varda en tant que cinéaste n'a pas été utilisé justement pour Loin du Vietnam. Oui, tout à fait. Il y a tout ce moment préparatoire que vous évoquiez, Anaïs, qui précède en fait la réalisation du film lui-même, c'est-à-dire que c'est un groupe de réflexion, c'est ça, dans l'originalité de ce projet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des professionnels du cinéma, mais il y a des intellectuels, il y a des écrivains, il y a des journalistes, c'est un collectif. Et au départ, ils réfléchissent d'ailleurs plutôt à l'élaboration d'un abécédaire avant de se lancer sur la réalisation de plusieurs films, effectivement. Un abécédaire de la guerre. Un abécédaire de la guerre du Vietnam. Et parmi les cinéastes qui vont effectivement réaliser deux courts-métrages mais qui ne seront pas montés, il y a le cas d'Agnès Varda, qui avait tourné un petit film dans le 19e arrondissement de Paris, où c'était une jeune femme qui prenait un peu conscience des réalités de la guerre du Vietnam en voyant des travaux qui se déroulaient dans son quartier. Donc il y avait une sorte comme ça de télescopage un petit peu entre ces images de travaux et des images de guerre qui défilaient à la télé. Et il y a également le film de Rui Guerra, le cinéaste brésilien. Donc c'est deux films qui existent, mais qui a priori sont considérés comme perdus au jour d'aujourd'hui. Mais c'était deux films qui s'inscrivaient plutôt dans une démarche de fiction. Tout à fait, c'était deux fictions puisque Marker coordonne le projet et c'est quand même lui au final qui tient les manettes au moment du montage, il va décider de les écarter pour des raisons en fait de structure, hein. C'est des films qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la structure qu'il est en train d'élaborer. Pour autant, il y a quand même de la fiction dans ce... Emmanuel, vous me demandez comment qualifier ce film, c'est un... c'est pas tout à fait un bout à bout, parce que c'est un montage de très grande qualité qui articule véritablement des moments qui pourraient sembler du reportage tout en critiquant la forme reportage, donc des moments documentaires qui s'articulent avec des moments de fiction, voire d'interrogation intime sur la question de cette guerre du Vietnam. Je pourrais donner déjà des noms, évidemment, entre Alain Resnais et Godard qui incarne justement ces deux parties-là du film, incarne l'interrogation politique et l'engagement politique et la prise de position politique face au Vietnam, entrecoupé, c'est vraiment une vision très schématique de ce film, de moments peut-être plus classiques dans la sélection des images, où là on voit véritablement des images de la guerre du Vietnam. Oui, c'est pour ça que on dit effectivement que le film peut s'inscrire dans ce type de production, les films à sketch qui se développent au début des années 60, alors qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. C'est un film beaucoup plus sophistiqué dans la mesure où finalement à toutes les étapes de l'élaboration, qu'il s'agisse de la réflexion initiale ou ensuite de la réalisation du montage, Marker va jouer le rôle du chef d'orchestre et va intervenir et transformer, modifier pour obtenir cette forme que l'on peut voir aujourd'hui et qui est une forme extrêmement équilibrée et qui du coup, voilà, c'est un film un peu particulier, très singulier. Alors, vous évoquez Chris Marker, qui peut-être n'est pas connu de tous nos auditeurs, il est moins connu en tous les cas pour certains d'entre eux que Jean-Luc Godard ou qu'Agnès Varda. Chris Marker, qui a un parcours très particulier, qui est devenu un des grands cinéastes du début des années 60 et qui, au fur et à mesure de son œuvre, va réfléchir sur la question de l'action politique et de la manière de la monnaie par le cinéma. Et dans la note d'intention donc, qui accompagne le travail autour de ce film, je pense que c'est lui qui le dit, chacun doit se disposer devant la guerre du Vietnam dans l'attitude de Picasso, de Guernica, devant la guerre d'Espagne. Si la peinture peut témoigner en tant que peinture, le cinéma doit pouvoir témoigner en tant que cinéma, ou alors il faut désespérer du cinéma, Laurent Verret. Tout à fait. Ça en dit très long, ce texte de Marker, sur l'état d'esprit, je dirais, qui est le sien, et qui est celui du groupe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire une sorte de contre-proposition face aux images d'actualité qui déferlent hein, à ce moment-là sur les écrans de télé de la guerre du Vietnam, mais de créer une œuvre. Il s'agit bien de créer une œuvre d'art, et c'est pour ça qu'il se réfère, ce qui peut paraître curieux, à Guernica, de Picasso, ou à des œuvres d'art qui, à un moment donné de l'histoire, ont compté, parce qu'elles ont donné subitement, comme ça, une vision des choses, et ont suscité une prise de conscience aussi très, très importante. On pourrait dire qu'il aurait pu se référer aux cinéastes du début de l'époque soviétique, à Dziga Vertov, qui d'ailleurs donnera le nom à un groupe de cinéastes un peu plus tard, à ceux qui pensent que le cinéma peut être révolutionnaire d'une certaine façon, Laurent Verret. Alors, dans le groupe, puisqu'il y a Godard, on l'a déjà cité, et que, évidemment, le film de Godard, qui est plus qu'une fiction, qui est un objet hybride aussi, finalement, à l'image du film de Loin du Vietnam dans son ensemble. C'est quasiment un journal intime, réflexion par rapport à cette proposition de faire un film connecté. Tout à fait, oui, il se met en abîme, enfin c'est presque un autoportrait. Et c'est très drôle. Et c'est très drôle, et en même temps aussi très autocritique, parce que finalement, il s'agit de dire en gros que même avec les moyens du cinéma, en étant à Paris, on peut pas dire grand-chose et montrer grand-chose de ce qui se passe au Vietnam. Donc il y a des références effectivement au cinéma soviétique, à Vertov, enfin ils sont là, il y a des ombres qui planent autour de ce film, mais justement ce qui est passionnant, je trouve, c'est qu'on ne peut pas l'enfermer. Mais finalement, dans un film militant classique, voilà, c'est un film politique, indéniablement, mais c'est beaucoup plus qu'un film militant, et c'est ce qui fait encore la force, je crois, de ce film aujourd'hui, parce qu'il a des qualités de réalisation tout à fait exceptionnelles. Comme Le Fond de l'Airet Rouge, qui sera réalisé plus tard par ce même Chris Marker. On écoute justement un extrait du passage réalisé par Jean-Luc Godard. Une fusée F-105 qui a passé avec un miaulement vraiment à un mètre au-dessus de nos têtes. Et tout ça avait quelque chose de très étrange. Et les paysans étaient toujours immobiles et ils regardaient le spectacle. Tout ça avait quelque chose de très étrange. Et ben, je pense que si j'avais été un caméraman des actualités, un caméraman de la télévision du réseau ABC de New York ou San Francisco, si j'avais été un caméraman des actualités soviétiques, c'est ça que j'aurais filmé, je pense. Mais j'habite Paris et je ne suis pas allé au Vietnam. Je voulais aller au Nord-Vietnam il y a un an et demi. Je me souviens, j'avais écrit à la délégation nord-vietnamienne ici et je leur avais demandé l'autorisation de venir filmer chez eux. Puis Hanoï à la Lapre, au bout de 7 ou 8 mois, enfin, j'ai appris qu'ils avaient refusé parce que j'étais pas, enfin pour eux, j'étais pas, je pense, un garçon sur lequel, enfin disons aux bases, disons à l'idéologie un peu vague et sur laquelle il ne pouvait pas compter. Enfin, je pense qu'ils avaient sûrement c'était une très bonne raison, ils n'avaient pas tort. C'était une époque où je voulais aller enfin, comme c'est difficile de faire du cinéma en France, enfin, c'est une époque où je voulais aller, je me disais, il faut aller à Cuba, en Algérie ou à la rigueur, en Yougoslavie. Et puis ce refus de Hanoï, enfin, m'a montré, enfin, qui vraiment, puisque je suis parisien, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas faire de cinéma à Paris. Alors j'ai pris la décision, enfin, dans chaque film, de parler du Vietnam à tort et à travers, si on veut, mais disons à travers plutôt. Voilà, l'extrait du film Loin du Vietnam qui est au cœur de notre émission d'aujourd'hui et le passage donc réalisé par Jean-Luc Godard pour ce film collectif de 1967. Anaïs Kien. On va peut-être évoquer les images. Donc on voit Jean-Luc Godard avec une caméra Mitchell. Alors la caméra Mitchell, c'est la caricature de la caméra, un engin énorme. L'image le montre en permanence derrière cette caméra, donc on voit à peine son visage. Et il projette ce qu'il aurait pu faire comme image s'il était véritablement allé au Vietnam. On sent une petite blessure et pour autant il en fait quelque chose. Il y a véritablement une construction dans l'interrogation de Godard sur son rôle dans cette dénonciation, puisque tout le film veut dénoncer évidemment cette guerre du Vietnam, mais s'interroge aussi sur la manière de faire et sur la manière de penser cette violence internationale, pas seulement c'est ce qui est focalisé sur le encore film. Une fois passionnant dans le film, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un film qui tient un discours politique contre la guerre du Vietnam, c'est un film qui s'interroge aussi sur les capacités du cinéma à rendre compte de cette guerre et à tenir aussi un discours sur cette guerre. Donc Godard dans ce court-métrage, et d'ailleurs Marker l'a souvent souligné dès l'époque en reconnaissant qu'il avait fait quelque chose de formidable et de courageux aussi, exprime sa grande perplexité finalement, son scepticisme face à son propre métier, puisqu'en gros il dit, ben voilà, un cinéaste aujourd'hui avec les meilleurs moyens du monde, avec les meilleures caméras du monde, il n'y arrivera pas à rendre compte de la réalité de cet événement-là. Et donc il pose une hypothèse qui est quand même très intéressante, c'est qu'il dit que pour pouvoir bien en parler et pour pouvoir finalement montrer quelque chose de significatif, il faut se laisser pénétrer par le Vietnam. Hein, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que finalement intégrer cette idée de la guerre du Vietnam pour essayer finalement de parler d'autres choses, de d'autres conflits, de d'autres problèmes sociaux, et du coup faire de cette guerre du Vietnam une sorte de prisme presque au sens géométrique du terme, qui permettrait finalement une réflexion sur la société. Anaïs Kien. Et d'ailleurs, cette séquence dure une dizaine de minutes. Là, on n'en a diffusé qu'un petit extrait. Mais Jean-Luc Godard termine en évoquant un conflit qui accompagne finalement la fabrication de Loin du Vietnam, qui est cette très, très longue grève, et grève très éprouvante, de Rodia Seta. Tout à fait, à Besançon. Qui a lieu en mars, je crois. En février-mars 1967 à Besançon, effectivement. Oui. Et c'est d'ailleurs à Besançon que sera projeté Pour la première fois, le film du Vietnam. Première en France, je crois. Tout à fait. Oui. Oui, effectivement, c'est ça, c'est ce télescopage finalement permanent dans le film entre des guerres du passé, puisqu'on l'a pas dit, mais évidemment, on l'a un peu dit en parlant de Guernica, de Picasso, il y a des liens avec la guerre d'Espagne de 37, il y a des liens avec d'autres conflits du passé, il y a des liens avec des événements de l'actualité, c'est ce télescopage permanent finalement des événements eux-mêmes que propose le film, avec une réflexion sous-jacente et qui est au cœur, je dirais, du dispositif finalement de Marker, mais qui est aussi au cœur du cinéma de Godard, c'est d'interroger les images. C'est-à-dire, en gros, comment fait-on des images? Pourquoi les fait-on? Que nous montre-t-elles? Que peut-on dire en les montant, ces images? Donc, c'est en permanence, il ne s'agit pas uniquement de montrer, il s'agit d'interroger aussi ce que l'on montre. Et c'est très intéressant parce que dans cette séquence, et en particulier de Jean-Luc Godard, et à la fin de cette séquence, il dit qu'il faut créer des Vietnams en nous, créer donc des Vietnams chez nous. Les grandes grèves de la Rodia Seta ou de Saint-Nazaire sont liées au Vietnam, il faut le faire comprendre. Je suis moi-même cinéaste qui tourne en France, je suis coupé de la classe ouvrière, mais je suis dans une prison culturelle et l'ouvrier de la Rodia Seta, lui, est dans une prison économique. Donc, il y a aussi tous les prémices de ce qu'on entendra, évidemment, 68. En 68, avec en particulier cette volonté de lier les intellectuels avec la classe ouvrière. Alors, c'était même parti un petit peu avant, hein, puisque, et là on revient à Marker, puisque Marker avait été sollicité par certains ouvriers de la Rodia Seta au début de l'année 67 pour aller leur montrer des films, justement. Et c'est à partir de cette rencontre qu'il a lui-même décidé de leur donner des caméras pour que les ouvriers fassent des films sur eux-mêmes. Et c'est là, c'est à partir de ces matériaux que Marker réalisera, à bientôt j'espère, qui sera passé sur la télévision française au début de l'année 68 et qu'on considère justement comme un des premiers documents assez contestataires et qui donnera un peu, voilà, sans doute certaines idées à d'autres par la suite. Anaïs Kien. Il y a quand même une dimension qui est frappante à la fois quand on voit le film et quand on vous lit, Laurent Verret, c'est qu'on a la sensation que ce groupe, ce réseau est prêt à faire ce genre de choses, c'est-à-dire que ce groupe de cinéastes militants et de tous les métiers qui y sont apparentés est tout à fait prêt à se coltiner à cet appareil critique d'une certaine façon, cet appareil critique et esthétique, et que ce réseau ne naît pas, absolument pas en 1967. Tous ont des références historiques communes, la question du Front populaire est également très présente. C'est un groupe d'intellectuels et d'artistes qui veulent, et ne viennent pas de le découvrir, s'affronter à cette actualité, au mouvement du monde, et qui en fait la preuve magistrale, pas loin du Vietnam, mais qui visiblement a entamé une réflexion depuis bien longtemps. Oui, le projet d'ailleurs démarre l'année précédente. Alors, il y avait déjà eu un certain nombre d'artistes, avant les cinéastes, pourrait-on dire, qui s'étaient mobilisés et qui avaient été sensibilisés à ces questions d'actualité par rapport à la guerre du Vietnam, et qui avaient aussi levé des fonds. Déjà, il y avait déjà eu un certain nombre de manifestations en 66, d'expositions pour lever des fonds, pour aider concrètement le Nord-Vietnam. Et donc les cinéastes, à un moment donné, se sont dit, il faut aussi qu'on fasse quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marker, d'emblée, va pas concevoir le projet comme, encore une fois, une initiative personnelle, mais vraiment comme une initiative collective. Et vous le rappeliez, Anaïs, c'est vrai qu'il y a aussi des intellectuels, il y a des écrivains, il y a Kérol, il y a Semprune, il y a aussi des musiciens, il y a Barney Whelan, il y a Michel Legrand. On ne sait pas toujours très bien d'ailleurs quel est leur rôle dans le film, mais ils sont là. Alors, ce qui est précieux dans les archives, puisque Marker faisait des comptes rendus assez précis de ces réunions préparatoires, c'est qu'on arrive bien à suivre le cheminement finalement du groupe qui se modifie au fur et à mesure des semaines et des mois. Et après, il y a un noyau dur qui va se constituer, qui est celui effectivement qui apparaît au générique du film. Et à chaque fois, on voit que c'est une espèce de pensée en mouvement. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que. Oui, parce que le projet du film va évoluer énormément du début à la fin. Il mute complètement et il y a une transformation progressive, et cette transformation, elle va même se produire encore pendant l'élaboration du montage. D'où voilà des films qui sont écartés, des scènes qui sont transformées. Le court-métrage de René, dont on n'a pas parlé, qui est aussi une fiction. Au départ, ce court-métrage était conçu pour arriver, être, hein. Voilà, on va y arriver, pour être un petit peu comment dire disloqué. Et servir un peu de fil conducteur au reste, alors que finalement, Marker a décidé de le garder dans son entièreté. Alors, on va pas tout de suite écouter cet extrait du film de René, mais puisque Anaïs évoquait au début le mélange entre film de fiction et film documentaire, effectivement, on est très surpris. C'est le moment, effectivement, de la caméra directe. On sait que Claude Lelouch tourne certaines des scènes qui font l'ouverture de ce film pendant qu'il est en train de tourner au Sud-Vietnam, du côté du Sud-Vietnam, vivre sa vie, c'est ça ? Et on voit beaucoup d'images de manifestations dans un style de caméra directe façon François Reichenbach. En voici deux extraits, une manifestation à Paris en avril 67. Et une autre à Washington. L'une dit Humphrey Assassin, ça c'est à Paris, et l'autre dit Bombe Hanoï, donc ça c'est à Washington, deux manifestations en même temps, et il faut dire qu'ils sont un peu servis par cette année 67, qui est une année, disons, phare dans la contestation de la guerre du Vietnam, débutée véritablement en 1965, mais encore un peu plus tôt, mais en tout cas dont le début officiel date de 1965, et là on est dans un moment très important de contestation internationale autour de cette guerre. Oui, et ces fameuses images de contestation, de manifestation, alors d'ailleurs, pour et contre la guerre, puisqu'il y a aussi la célèbre parade de New York qui est filmée au cours de la même année et qui est plutôt, pour le coup, une manifestation en faveur de l'intervention militaire au Vietnam. The parade is the parade is the parade. The parade is the parade. Ces manifestations sont filmées par William Klein, qui à l'époque est le seul à avoir la nationalité américaine dans le groupe et a donc cette possibilité, cette facilité de se rendre sur le territoire américain sans trop de problèmes. Il prend des risques. Hein, en filmant ça, et il sait très bien qu'il risque gros. D'ailleurs, quand on voit les images de ces manifestations, on voit qu'il est au cœur des manifestations et même des confrontations entre les partisans de la guerre du Vietnam et ceux qui s'y opposent. Il est au milieu, voire même, parfois, il provoque des affrontements. Bien sûr. Verbaux, hein. Il n'y a pas de violence contre lui, en tout cas pas dans ce qui a été monté, Laurent Verret, oui. Mais on voit son engagement même physique et sa très grande sensibilité à ces manifestations publiques. Klein, à ce moment-là, parle, alors c'est un concept qu'il avait déjà un peu développé dans son travail photographique, il parle de caméra coup de poing, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est, voilà, il a une façon très particulière de filmer, comme il a une façon particulière de photographier. Klein, on est plein cadre, on est vraiment au milieu de ce qui se passe, mais on colle aux gens. Alors évidemment, là aussi, il faut parler des moyens techniques. C'est le cinéma direct, c'est le son synchrone. Donc c'est une équipe légère, on tourne en 16 mm avec une équipe qui peut se déplacer très vite et qui colle finalement à cette actualité. Et c'est vrai qu'à des moments, il provoque. Alors il se contente pas uniquement de regarder et de filmer ce qu'il voit. Puisqu'il y a cette scène incroyable où il a un ami poète voilà qui met sur le trottoir en quelque sorte et à qui il demande de faire une sorte de performance comme ça un peu live. Qui tient la main d'une petite fille aussi. Et qui tient la main de sa petite fille et qui fait effectivement une sorte de performance à partir du mot napalm sur les bombardements donc au napalm que les Américains pratiquent à ce moment-là au Vietnam. Et donc ça attire évidemment les passants qui sont très intrigués, qui ne comprennent pas au départ ce qu'il fait, qui ne comprennent pas le sens de ce mot. Et du coup, ça, c'est une discussion qui s'engage, une discussion politique en fait qui s'engage sur le trottoir autour de cette performance et que Klein du coup filme en y participant lui-même. Ce qui est tout à fait remarquable, et vous l'avez déjà dit, c'est la façon dont Chris Marker va tisser ces modes de perception du réel de l'époque d'une certaine façon, à la fois le mode documentaire et le mode cinématographique. plus ou moins classique. Et évidemment, dans cet exemple-là, il y a l'exemple de ce que tourne Alain Resnais avec Bernard Fresson dans le rôle titre que l'on va entendre. De Claude Rider. Qui est donc Claude Rider, celui qu'on retrouvera ensuite dans Je t'aime, je t'aime. En fait, suivante. Claude Rider existe déjà. Alain Resnais fait une pause dans le tournage de Je t'aime, je t'aime qui sortira l'année suivante. Mm-hmm. Et donc finalement, il garde son personnage du moment pour participer à Loin du Vietnam. Avec une femme qu'on n'entendra pas parce qu'elle est totalement muette dans cette scène qui est jouée par Karen Blangernon et qui est assez forte effectivement dans la façon de recevoir de façon un peu sceptique cette déclaration d'un intellectuel français joué par donc Bernard Fresson. Cherchez un livre. D'Hermann Kahn, Claude Rider, écrivain, chargé par un producteur de cinéma d'écrire une analyse du livre d'Hermann Kahn sur l'escalade. C'est un personnage déchiré, et il l'avoue, c'est donc un personnage imaginaire. Et bien que personne ne risque de se reconnaître en lui, il nous a paru nécessaire d'écouter pour un moment, contradictoire, pathétique et à sa façon honnête, la voix de la mauvaise conscience, c'est-à-dire de la mauvaise foi. Le Vietnam, c'est parfait. Tout le monde est pour le Vietnam. Je connais un endroit où on donne des déjeuners Vietnam. Pour 1000 balles, tu as droit à un bol de riz. Le produit va à la Croix-Rouge, comme en 14, avec les baguettes en plus. Seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de bol de date pour les Yéménites, et pourtant, pauvres Yéménites. Et les Kurdes, hein? On les délaisse un peu, les Kurdes. Et les Soudanais. 50 000 morts en moins d'un an. Et qui ça trouble, ça, hein? C'est comme les cours de la bourse, le Vietnam est coté au plus haut, le Soudanais au plus bas et le Kurde est un peu mou. Vous dites que vous êtes du côté des victimes, mais c'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez les victimes à la mode, celles qui vous arrangent. Personne ne peut porter toutes les morts injustes, c'est pas humain. Mais si on se met à regarder pourquoi celle-ci, pas celle-là, leur revenu annuel, la couleur de leur peau, ah, on commence à trouver de drôles de choses en soi, au fond de soi. Une ségrégation des morts, une lutte de classe des morts. Alors le Vietnam, là, c'est l'unanimité, c'est la bonne conscience retrouvée, c'est la joie, le droit, la liberté, parce que le Vietnam, c'est les Américains, et les Américains, c'est des affreux, des pas comme nous, des pas cultivés, des tyrans, des colonialistes. 40 millions d'anticolonialistes en France. Ça n'était pas tellement aperçu pendant l'Algérie, mais nous avons fait des progrès gigantesques. Alors les Américains, on ne se gêne pas pour leur dire ce qu'on en pense, les gros rusés, hein. Remarque qu'en même temps, les investissements américains en France atteignent 2 milliards de dollars. Et aucun rapport. Voilà. Voilà, ce qui aurait pu être un dialogue a été choisi comme un monologue, en l'occurrence, de Bernard Fresson. Il faut décrire le décor de l'endroit où, effectivement, Fresson fait sa sortie. Voilà, pour les images, donc on est dans un appartement typique de la représentation du décor intellectuel parisien, des murs recouverts de livres et des piles de journaux absolument partout. Et vous venez de me dire, Laurent Vérec, que c'est en fait l'appartement de Marker, dans lequel on reconnaît aussi des petites fusées, enfin toute sa passion aussi pour la science-fiction. Donc c'est aussi la preuve, si besoin était, de la modestie du projet aussi, c'est-à-dire qu'on a expliqué dès le début que ce projet rassemble à peu près entre 150 et 200 personnes. Tout le monde travaille bénévolement, hein, il n'y a pas d'argent, il y a très très peu d'argent. Il y a quand même la Sofracima qu'il faut citer, cette société de production avec laquelle Marker avait déjà travaillé. Le Joli Mai avait été produit par la Sofra. Resnais avait également réalisé La Guerre est finie, hein, sur les conséquences de la guerre d'Espagne. Donc c'est déjà une société qui est très engagée, je dirais, hein, qui produit des films politiques, qu'il s'agisse de documentaires ou de longs métrages de fiction. Donc il n'y a pas beaucoup d'argent, on tourne avec les moyens du bord, on tourne dans les appartements des copains, on récupère la pellicule ici, on travaille le soir clandestinement dans les auditoriums ou dans les labos. Enfin, c'est fait avec des bouts de ficelle en fait, ce film. Et du coup, cet appartement, tout en répondant effectivement à ce qu'on peut imaginer de l'appartement de l'intellectuel de l'époque, est en réalité l'appartement de Chris Marker. Qui là se fait un peu étouffant. Cet appartement devient un peu étouffant, c'est-à-dire que ce monologue dure une vingtaine de minutes, je crois. La séquence est assez longue, c'est assez brillamment écrit d'ailleurs. Très. On est perpétuellement déchiré entre la haine de cet homme qui est très agaçant quand même, et en même temps une forme de sincérité de sa douleur à ne pas réussir à saisir et à prendre position dans ce monde. Je pense qu'effectivement, cette espèce de côté un peu bipolaire comme ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce personnage, en réalité, au départ, ne devait pas s'exprimer dans la continuité. C'est-à-dire qu'on devait, c'était un peu comme ça que René l'avait conçu avec Marker, on devait fragmenter son propos et que ses interventions devaient être réparties dans le montage. Mais Marker a fini par garder l'intégrité dans et je pense qu'il a eu raison parce que ça crée une sorte de moment comme ça, un pôle d'achoppement dans le film qui est très, d'ailleurs quand on regarde un peu les critiques de l'époque, il y a quand même deux courts-métrages qui focalisent un peu les critiques, c'est celui-là et celui de Godard dont on a parlé tout à l'heure qui suscite un espèce de débat contradictoire et de malaise parce que il faut quand même reconnaître que pour un film qui d'une certaine façon se voulait un film, enfin, on pouvait apparaître dans ce contexte comme un film militant, il y a, comme vous l'avez dit, le terme est très bon, cette bipolarité. C'est-à-dire qu'en fait, comme toujours chez Marker, il y a cette capacité à vouloir décrire le réel au plus près et en même temps à s'en détacher et à se regarder en train de décrire le réel. Et là, effectivement, le sketch de René dans Loin du Vietnam, comme d'ailleurs le sketch de Godard, parce que ça, on peut considérer ça comme ou le court-métrage, si vous voulez, sont ces deux pôles, effectivement, sont mis en scène par les deux cinéastes en question. C'est-à-dire, je voudrais bien être complètement du côté de ceux qui se battent pour le Vietnam et en même temps, je n'y parviens pas tout à fait. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qui fait, je crois, la force aussi d'un film comme celui-là aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de films militants qu'on peut regarder de la même époque, avec, je dirais, un certain malaise parfois. Celui-là, cette distance critique, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, cette distance critique qui est permanente, qui revient à différents moments, sous différentes formes dans le film, qui est vraiment intéressante, donne quelque chose qui n'est pas univoque, en fait. Il ne s'agit pas de tenir un discours univoque sur la guerre du Vietnam et de délivrer comme ça une sorte de vérité et de message tout fait. Mais au contraire, tout en réfléchissant à cet événement-là, il s'agit aussi de réfléchir à la façon dont on peut en parler, la façon dont on peut le montrer et la complexité finalement des positions, y compris même des débats qui déchirent à ce moment-là les intellectuels ou certaines personnalités qui se prononcent sur les faits. Anaïs Quin. D'ailleurs, ce qui étonne, c'est la fraîcheur d'une certaine façon de ce film lorsqu'on le regarde en 2017. Il y a quelque chose de l'ordre de la multipolarité de l'interrogation qui d'abord tranche très nettement avec l'image qu'on a de cette période de guerre froide, on est en 1967, oui. Mais aussi qui nous permet de finalement de, et d'ailleurs je crois que c'était la volonté du collectif réalisateur de ce film d'en faire un film outil finalement pour toutes les guerres. Bien sûr. Et c'était aussi un film qui était conçu, alors à la fois je dirais pour constituer, comme on l'a dit, une sorte de contre-champ par rapport à d'autres représentations qui sont les représentations dominantes de l'époque, celles des médias, de la presse écrite ou de la presse télévisuelle. Il s'agit bien de ça, de constituer une sorte de contre-champ, mais aussi, comme on l'a dit, construire finalement un film qui est une réflexion sur le cinéma lui-même, sur ce qu'est le cinéma en tant que mode d'expression et de représentation, et avec aussi une haute exigence, je dirais qualitative et artistique, avec des images qui sont souvent remarquablement cadrées, avec des images qui sont aussi, il y a tout un travail sur la bande son qui est très très sophistiqué. Donc il y a cette exigence là aussi, c'est-à-dire que on revient à Guernica, il s'agit de construire une œuvre d'art qui pourra ensuite servir non seulement en France mais à l'étranger, puisqu'ils imaginent que le film pourra servir aux États-Unis, qui deviendra comme ça une sorte de moyen d'engager des débats dans des lieux publics. Donc c'est un objet qu'ils conçoivent collectivement et qui va être mis à disposition ensuite des autres. Alors ça marchera pas très bien, peut-être qu'on y reviendra, mais en tous les cas c'était comme ça dans l'esprit du début. Et puis il faut tout de même reconnaître qu'il y a aussi des passages qui sont des passages plus clairement des passages militants, comme lorsqu'il y a un grand entretien avec Fidel Castro, ou ces images donc tournées au Vietnam avec Ho Chi Minh. Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il ne pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous subjuguerons. parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, et nous gagnerons. Cette idée de victoire qui n'est pas la sanction d'une conquête, mais la reconnaissance d'un droit. Il est assez vain de l'opposer à l'idée de paix. Pour un Vietnamien, la paix reste le seul but, mais la victoire reste le seul chemin. Voilà donc un extrait de ce film Loin du Vietnam qui est au cœur de notre émission d'aujourd'hui, film tourné et produit et également diffusé à partir de 1967. Et là, effectivement, on entend le grand leader qui est Ho Chi Minh, qui d'ailleurs est en train de perdre la main au sein du Parti communiste nord-vietnamien. Mais néanmoins, c'est lui qui sert d'icône à cette révolution des Vietnamiens contre les Américains, Laurent Verret. Oui, c'est un aspect qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'à présent. Effectivement, le film intègre, au-delà des tournages, manifestations aux États-Unis ou à Paris, fiction tournée par René ou par Godard, le film intègre aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui du found footage, c'est-à-dire des images qui existent dans les archives, beaucoup de plans notamment tournés par Yuri Stevens, Roger Pic ou d'autres qui ont pu tourner au Vietnam, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'opérateurs, de cinéastes qui ont pu se rendre sur place. Donc il y a une réappropriation aussi. Alors là, on retrouve, enfin plutôt on découvre ce que Marker va faire dans les années suivantes, hein, les fameux films de remontage, de remploi que Marker fera à partir de matériaux préexistants. Et il y a des moments dans Loin du Vietnam où on a exactement ça, des reprises d'interviews, des reprises d'images, d'actualités tournées par des opérateurs variés, et que Marker remonte d'une façon tout à fait singulière. Anaïs Kien. Oui, et puis ce discours de Ho Chi Minh s'inscrit dans un passage un peu particulier du film, qui est le passage didactique. Tout à fait. Qui revient sur cette guerre du Vietnam qui n'a jamais cessé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine façon, le renverrait. Et donc c'est un passage où on rappelle les étapes de cette guerre qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale et qui continue. Ce ne sont plus les Français qui s'opposent aux Vietnamiens, ce sont les Américains, mais c'est la même guerre. Et ce passage est assez long et assez surprenant d'ailleurs, et très central dans le film, et remet sur pied d'une certaine façon un récit du colonialisme et de l'anticolonialisme aussi. Oui, tout à fait. C'est un moment, disons, plus didactique hein, dans le film, avec une narratrice à ce moment-là qui donne des informations très précises, hein, à la fois sur ce qu'a été la guerre d'Indochine et sur ce qu'est la guerre du Vietnam depuis que les Américains la conduisent. Et donc, c'est une sorte de repère à la fois historique, chronologique, à l'intérieur de la fresque dont on vient de parler, qui n'intervient pas au début. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est plutôt dans la deuxième partie du film. Donc, on voit bien que pour Marker, il ne faut pas commencer par ça. Hein. Il faut déjà avoir, s'être imprégné, je dirais, de ce qu'est l'esprit de Loin du Vietnam avant d'arriver à ça. Et c'est d'ailleurs dans cette partie que la censure va couper. Il y a pratiquement pas de censure pour le film. On pourra peut-être y revenir, ce qui peut paraître curieux rétrospectivement. Et on coupe seulement dans le texte, d'ailleurs, pas dans les images. Exactement. Il y a un ou deux passages dans ce texte qui vont être censurés quand on regarde les rapports de la commission de censure de l'époque, qui concernent par exemple la possible utilisation de la guerre de la bombe atomique, ou enfin voilà, sur des faits très très précis. La censure va exiger que l'on coupe dans le texte. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que Marker le fait, il coupe, et il laisse vraiment la trace de la coupe, ce qui évidemment pour un spectateur un peu connaisseur de l'époque est tout de suite identifié comme étant une coupe. Mais oui, en deux mots sur la censure, ça peut paraître curieux, c'est quand même un film voilà, qui c'est pas la langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des prises de position militantes, il y a des prises de position politiques très critiques à l'égard des États-Unis. Et on pourrait se dire aujourd'hui, comment est-ce possible que finalement le film ne soit pas davantage censuré? Ben là, il faut le remettre un peu dans son contexte et se rappeler qu'effectivement, finalement, c'est un film qui rentre en résonance aussi avec la politique gaullienne de l'époque, qui est une politique assez anti. Le voyage à Phnom Penh, l'année précédente. Et le retrait de l'OTAN, etc. Donc il y a quand même, évidemment, tout un environnement politique. Un anti-américanisme. Un anti-américanisme dominant dans la société française de l'époque, y compris au plus haut niveau de l'État, qui finalement trouve dans ce film un écho tout à fait favorable. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'était un film d'une puissance politique assez remarquable. Et en même temps, ce n'est pas du tout un film marginal. Non. Les choix de production, de distribution, le son cherchent quelque chose de l'ordre de l'indépendance, mais il sera très peu censuré. Dans les documents, les notes de réunion prises par Chris Marker, il fait régulièrement mention que l'on peut faire appel aux journalistes, des médias traditionnels qui partent pour ramener des images. Donc on est dans un circuit qui cherche une singularité, mais en même temps qui est tout à fait intégré au circuit de production des images de l'époque. Visiblement, ces cinéastes sont tout à fait en lien avec les reporters qui partent, qui font aussi l'objet de leurs critiques dans ce film, Loin du Vietnam, mais avec qui ils sont visiblement en dialogue sans interruption, Laurent Verret. Oui, c'est ça qui est curieux, qui peut paraître curieux et qui est exceptionnel dans ce projet, c'est effectivement la possibilité d'être en connexion comme ça avec l'environnement social, politique, journalistique de l'époque et de disposer finalement de collaborations multiples sans trop de difficultés. Avec aussi une donnée qui est présente dans ce passage qui s'appelle Flashback, donc de ce film, qui est donc ce récit de ce qui s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à cette guerre du Vietnam de 1967, c'est le détournement. C'est-à-dire que il faut se souvenir qu'on est en plein dans la période des situationnistes et que cette question du détournement, je crois d'ailleurs que 1967 c'est l'apparition du manuel à l'usage des jeunes gens de Raoul Van Eghem par exemple, et donc on détourne les bandes dessinées américaines et là on détourne des images aussi. Mais il y a des images publicitaires aussi qui sont détournées dans le film. Il y a ce moment très très simple et en même temps incroyablement fort, j'allais dire, du point de vue politique et en même temps du point de vue esthétique, qui est le moment de la retransmission à la télévision américaine du discours du général Westmoreland, qui justifie en quelque sorte l'intervention militaire en disant, enfin c'est un discours d'ailleurs qui a des échos étonnants avec les interventions suivantes en Irak, etc. En gros, il n'y a pas de dégâts collatéraux, les frappes chirurgicales, on ne parle pas encore de frappes chirurgicales, mais il y a quand même cette idée qu'on frappe juste et qu'on fait tout pour épargner les civils. Et là, il ne s'agit pas de mettre une voix off pour contester ou contrer ce qui est dit. Je dirais que l'idée géniale de Marker, c'est juste de bouger l'antenne de retransmission qui, du coup, déforme l'image et donne même à la voix parfois une espèce de sonorité évidemment aussi très très très curieuse. Et cette simple déformation de l'image et du son contribue évidemment à mettre à mal, je dirais, le contenu même du discours du général Westmoreland. Alors, nouvel extrait dans cette émission consacrée donc à Loin du Vietnam, de ce film collectif de 1967. Cet extrait est un peu particulier parce qu'il montre une femme. Oui, c'est une femme, mais en fait, ce film qui travaille énormément sur les contre-champs, qui est d'ailleurs très difficile à couper et à proposer d'un point de vue seulement sonore, puisque le son ne répète jamais ce qui est montré à l'écran. Donc, sur cette question des contre-champs et de la construction du contre-champ, cette construction collective de ce film Loin du Vietnam, il y a un moment un petit peu paroxystique comme ça. De toute façon, tout le film alterne entre un point de vue vietnamien et un point de vue, on dira, pour aller vite, occidental. Et là, il s'agit d'une séquence du film qui se situe plutôt à la fin, autour de l'immolation par le feu de Norman Morrison, un Américain qui a formulé ce geste et qui en est mort, évidemment, pour protester contre la guerre du Vietnam. Et ce passage montre à la fois la veuve de Morrison qui dit comment elle vit ce geste funeste de son mari, avec une vietnamienne que l'on va entendre immédiatement, Anh Nguyen, qui commente également ce sacrifice. Le 2 novembre 1965, Norman Morrison, Quaker de Baltimore, s'est donné la mort devant le Pentagone, la citadelle de l'état-major américain, en mettant le feu à ses vêtements imprégnés d'essence. Il voulait, en portant la violence contre lui-même à une limite difficilement dépassable, témoigner de la violence faite au peuple vietnamien par ses compatriotes. Le pouvoir de ce geste sur les Américains, il est encore difficile de le mesurer. Mais tous les Vietnamiens ont reçu son signe et l'ont compris. Huyen, vietnamienne qui vit à Paris avec ses trois enfants, nous a parlé de Morrison et de sa femme, Anne, à qui il écrivait quelques instants avant d'agir. J'ai vu ce que je devais faire aussi clairement que ce vendredi soir d'août où j'ai su que tu serais ma femme. Pour le peuple vietnamien, c'est quelque chose de formidable de penser qu'un Américain manifeste de cette façon en se sacrifiant et en sacrifiant le bonheur de sa famille même pour une cause juste. Je trouve que il faut vraiment être infiniment sincère avec soi-même et courageux, bien sûr, pour arriver à ce geste-là. Et pour nous, non seulement le personnage de Morrison, enfin, le geste qu'il a fait, très émouvant, a suscité non seulement de l'estime et un profond respect, une profonde admiration, mais je crois qu'il a encore augmenté l'amitié du peuple vietnamien pour le peuple américain. L'Amérique agresse un peuple qui ne lui fait aucun mal, car nous nous défendons contre les bombardements, les massacres, toutes les atrocités. Mais nous pensons même qu'en Amérique, il y a une autre guerre, une guerre du peuple contre tout ce qui est injuste. C'était il y a 50 ans et c'était le film Loin du Vietnam en 1967, Anaïs Quin. On a abordé, Laurent Verret, les questions de production, de réflexion aussi autour de ce film. Et ce film, en tout cas ce collectif de réalisateurs et de techniciens qui travaillent à ce film, veut avant tout que ce film soit diffusé et serve à quelque chose. Ce n'est pas un film qui est conçu pour rester sur les étagères d'un diffuseur. Comment se passe cette réception? Elle va être un petit peu compliquée du fait même du mode de production du film. Oui, alors déjà, ils n'ont pas les moyens de tirer beaucoup de copies, ça c'est une première chose. Donc la diffusion, elle va se faire en plusieurs temps. Il y a d'abord cette fameuse projection qu'on a évoquée à Besançon auprès des ouvriers de la Rodiaceta. Il y a aussi une grande présentation officielle le 9 décembre 1967 au Palais de Chaillot, où on invite d'ailleurs des personnalités. On parlait de journalistes tout à l'heure. Ben, Marker tient à ce que Jean Lacouture soit là, le grand journaliste qui connaît bien ces questions du Vietnam. Et donc il y a une présentation officielle. Et ensuite le film va sortir à Paris dans trois salles, mais il va pas rester très longtemps à l'affiche, puisque il va y avoir des actions d'Occident en particulier, de groupes d'extrême droite qui vont carrément plastiquer le hall, par exemple, du cinéma Le Saint-Michel. Donc les quelques exploitants qui avaient pris le risque entre guillemets de passer le film vont prendre peur, ce qui était évidemment l'objectif de ces actions violentes des groupuscules d'extrême droite. Et ce sont des actions de petits commandos d'extrême droite qui sont relativement courants, y compris au théâtre. Les paravents de Genève en 1965 connaîtront aussi des formes de sabotage comme ça et de résistance de la part des gens du quartier et de l'équipe artistique pour permettre de continuer. En tous les cas, ça va être préjudiciable au film puisque les distributeurs vont pas le prendre, les quelques exploitants qui l'avaient programmé vont le retirer des écrans. Donc c'est un film ensuite qui va avoir, il va être projeté au festival de New York où il va avoir un grand succès. Finalement, il va être plutôt mieux montré aux États-Unis qu'en France, puisque Varda en plus part à ce moment-là, elle suit Jacques Demy aux États-Unis, donc elle va beaucoup tourner avec le film dans les universités américaines en particulier, et elle a témoigné du succès que le film a pu rencontrer, et des débats qui ont pu évidemment se développer à partir de ce film. Oui, et donc cette volonté était pourtant inscrite dans la toute fin de ce film, de faire changer les mentalités, c'était ce que voulait justement Loin du Vietnam. Dans quelques minutes, ce film va s'achever. Vous allez sortir de cette salle et, pour beaucoup d'entre vous, retrouver un monde sans guerre. C'est aussi le nôtre et nous savons à quel point il est facile d'oublier certaines réalités. Nous sommes loin du Vietnam. Et le Vietnam de nos émotions et de nos indignations est quelquefois aussi loin du véritable Vietnam que le serait l'indifférence. Nous vivons dans une société qui a poussé très loin l'art de se cacher ses propres buts, ses propres vertiges et surtout sa propre violence. Cette guerre n'est pas un accident historique, ni le règlement retardé d'un problème colonial. Elle est là, autour de nous, à l'intérieur de nous. Elle commence lorsque nous commençons nous-mêmes à comprendre que les Vietnamiens se battent pour nous et à mesurer notre dette à leur égard. Lorsque les Vietnamiens disent arrêter cette guerre, oui, mais pas à n'importe quel prix, on dit qu'ils ne sont pas raisonnables. C'est vrai que les Vietnamiens ne sont pas raisonnables. C'est vrai qu'ils sont fous, ces Vietnamiens, et que leur intransigeance violente en nous des habitudes liées à nos privilèges. Mais la folie vietnamienne est peut-être la sagesse politique de notre temps. Et le premier mouvement honnête que nous pouvons faire vers eux, c'est d'essayer de regarder leurs défis en face. Devant ce défi, le choix de la société des riches est assez simple. Ou bien cette société devra accomplir la destruction physique de tout ce qui lui résiste. Et c'est une tâche qui risque de dépasser ses moyens de destruction, ou bien elle devra accomplir en elle une transformation totale. Et c'est peut-être aussi trop demander à une société au comble de sa puissance. Si elle refuse ce choix, elle n'aura plus qu'à sacrifier ses illusions rassurantes, à accepter cette guerre des pauvres contre les riches comme inévitable, et à la perdre. Voilà, dernier extrait de ce Loin du Vietnam, film collectif qui était au cœur de notre émission d'aujourd'hui. On aura reconnu la très belle voix profonde de Maurice Garrel qui lit ce commentaire écrit par Chris Marker avec toutes les contributions de tous les autres cinéastes dont nous avons parlé avec vous, Laurent Verret. D'ailleurs, le DVD existe et vous avez fait le livret de ce DVD publié chez Arte Vidéo. Donc, on peut se procurer ce film très important et très intéressant du cinéma des années 1960. Merci Laurent Verret, merci Anaïs Quin, on se retrouve demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Élise Le était aujourd'hui avec nous à la technique, Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.